Ton nom est la solution. On Hein? On chante pas ici. Les voisins. Si. On chante ici. Quand c'était fort là, on criait, là, on passe en gros voisin. On s'est gâté. Quand je suis allé, on s'est tombé là-bas. On peut fermer ici. On ferme, quoi, ma soeur. On ferme pas. Mince. Peut-être ça fait comme ça. Ils sortent là, on s'approche aux pollutions, les pollutions sont convertis, ça amène au réveil. Ton nom est la solution. Non, il est très bien. Non. Bon, c'est quel là, alors, chef de la ville? Il y a d'autres. Non, c'est affiché là à l'entrée. Ah bon? Quand on ne fait pas de bruit. Ça dépend le bruit. Ça dépend le bruit. Oui, ça les dimanches. Et puis tu peux aussi l'air. Tu peux l'air des articles que tu vas faire. Oui, tu peux. Non, tu marches pas. Là, tu veux un peu. Non, les poissons. Tu écris. Pour qu'il ne vienne pas courir, tu as bien appelé la police. C'est quel genre de pays ça? Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Jésus, ton nom nous donne la joie, Jésus, ton nom nous donne la joie, ton nom nous donne la joie, ton nom nous donne la joie, Jésus. Jésus, ton santé. Jésus, ton nom nous donne la santé. Jésus, ton nom nous donne la santé. Ton nom nous donne la santé. Ton nom nous donne la santé. Jésus, ton nom nous donne la santé. Ton nom nous donne la santé. Ton nom nous donne la santé. Jésus. Ton nom nous donne la puissance. Jésus. Ton nom nous donne la puissance, Jésus, dans les combats, Seigneur. Ton nom nous donne la puissance, Alléluia. Ton nom nous donne la puissance, ton nom nous donne la puissance, Jésus. Vivant, vivant, vivant est le Seigneur. Il a tout fait. Jésus, Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait, il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois, il a tout fait, il a sauvé, il a sauvé. Jésus l'a sauvé, le roi des rois, il l'a sauvé, il l'a sauvé, Jésus l'a sauvé, le roi des rois. Il a aimé, il a aimé, Jésus, Jésus l'a aimé, le roi des rois, il a aimé, il a aimé, Jésus l'a aimé. Le moment est là, que ton glorifier.